Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marvelicious où nous plongeons aujourd'hui dans l'histoire d'une héroïne visionnaire, Ironheart. Oubliez les capes, les super-pouvoirs mystiques, aujourd'hui nous parlons d'une force née de l'ingéniosité, du courage et d'une volonté inébranlable, Riri Williams. Riri Williams n'est pas qu'une successeur d'Iron Man, elle est une véritable révolution. Pourtant, malgré son génie et sa résilience, Riri Williams semble souvent incomprise sur les réseaux sociaux. Sa bande-annonce a été pendant un temps une des vidéos avec le plus de dislikes en si peu de temps de publication. Les critiques pleuvent injustement, je trouve, réinterprétant son histoire ou minimisant son impact. Certains l'aperçoivent comme une simple héritière d'Iron Man, oubliant qu'elle a créé son propre destin, surmontant des épreuves qu'aucun héros ne devrait affronter. Il est temps aujourd'hui que cela cesse. On ne juge pas un livre à sa couverture, alors pourquoi le ferait-on pour une série ou un film qui n'est même pas encore diffusé, au cinéma ou sur des plateformes? Quant à moi, je refuse d'ignorer cette injustice. Je choisis de devenir un fervent défenseur de cette héroïne visionnaire. Riri mérite non seulement d'être connue pour son talent, mais aussi d'être appréciée pour sa persévérance et son humanité. Alors, à travers ce podcast, et bien au-delà d'ailleurs, j'ai pour mission de célébrer sa grandeur et de montrer au monde que l'avenir des super-héros peut aussi briller grâce à elle. Du moins, je vais essayer. Je ne sais pas si la série sera excellente ou de bonne qualité, mais ce que je sais, c'est que Ironheart reste une force de la nature dans les comics. Bon, il faut dire aussi que son destin est lié un petit peu à Iron Man, puisque Riri Williams apparaît pour la première fois dans un comics qui s'appelle Invincible Iron Man, le volume 2. Voilà, et elle a été créée par Brian Michael Bendis et Mike Deodato. Je ne les connais pas particulièrement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est inspirée par une actrice qui s'appelle Sky Jackson, d'ailleurs, dont la grâce et la force ont contribué à façonner l'image de Riri Williams. Ironheart incarne aussi une nouvelle génération de héros, on le voit d'ailleurs dans le MCU lorsqu'elle apparaît dans Black Panther Wakanda Forever. Elle a pu dans les comics aussi trouver sa place parmi un groupe de jeunes super-héros qu'on appelle les Champions, Young Avengers pour certains. Donc c'est une équipe de jeunes super-héros qui réunit d'ailleurs Kamala Khan, donc Miss Marvel, Miles Morales, Spider-Man, voilà. Et on peut imaginer que d'ailleurs dans le MCU elle apparaisse dans une série Champions ou Young Avengers avec Kamala Khan, Miss Marvel ou même Kate Bishop par exemple. Voilà, ça peut être sympa. Moi j'aimerais bien. Voilà. En tout cas, bonne écoute puisque cet épisode d'ailleurs je l'ai beaucoup préparé. J'ai mis certes beaucoup de temps à le sortir, mais vous verrez pourquoi. Et j'espère que ce format vous plaira. Riri Williams a grandi dans la ville de Chicago, une ville vibrante, puissante, mais aussi cruelle. Elle a grandi dans cette jungle urbaine où chaque décision peut changer une vie. Dès son plus jeune âge, elle ne voit pas le monde comme les autres enfants, alors que les autres jouent avec des poupées, des petites voitures. Elle décide de démonter des jouets électroniques pour comprendre leur fonctionnement. Son esprit ne cesse de bouillonner et à l'âge de 5 ans, elle touchait déjà à la mécanique et à l'électronique. Si son père, Robert Williams, n'a pas toujours été physiquement présent, il a laissé quand même en Riri Williams une empreinte indélébile dans son cœur. Même après sa disparition prématurée, l'influence de son père a nourri son insatiable curiosité et son désir de réparer ce qui est brisé, que ce soit une machine ou un monde en proie à l'injustice. Extrait du premier journal intime de Riri Williams, 5 ans. Papa disait toujours que j'étais spéciale, pas juste intelligente, mais différente. Il me regardait avec ce sourire fier, comme s'il savait déjà que j'allais faire quelque chose d'incroyable. Mais il est parti trop tôt. Je me souviens encore de cette journée. Maman pleurait et moi, je ne comprenais pas vraiment. Je savais que la mort, c'était quelque chose de définitif, mais à 5 ans, on pense que les héros ne disparaissent jamais. Après ça, maman a rencontré Gary, mon beau-père. Il était gentil, toujours là pour nous, mais ce n'était pas pareil. Il n'était pas papa. J'ai toujours été un peu seule. Pas parce que je n'aimais pas les gens, mais parce que je pensais différemment. J'ai 11 ans, je comprends qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Mais malgré tout, j'ai envie de prouver que je suis capable de tout. Vous l'avez sans doute vite compris, Riri a perdu très jeune son père et sa mère a refait sa vie avec son beau-père Gary, avec qui elle s'entendait merveilleusement bien. Pendant sa tendre enfance, Riri rencontre sa meilleure amie Nathalie. Et lors d'un dîner, d'un pique-nique plus particulièrement sur un parc avec Nathalie et Gary, a lieu une fusillade de rue et Nathalie et Gary malheureusement sont décédés des suites de cette fusillade. Face à cette injustice, Riri décide de construire une armure inspirée d'Iron Man avec du matériel volé sur le campus du MIT et d'ailleurs s'enfuit lorsque les agents de sécurité interviennent. Je me pose la question de savoir si dans cette série, justement, on aura cette scène, parce qu'on voit qu'elle est copine avec une jeune fille de son âge, donc je me pose la question de savoir si c'est bien Nathalie. J'espère voir son beau-père Gary. Est-ce qu'ils vont être décédés lors d'une fusillade? Qu'est-ce qui a fait qu'elle décide de construire cette armure? Voilà, j'ai hâte de savoir si on est dans la suite des comics où elle construit son armure à la suite du décès de Nathalie Gary, ou si c'est un autre événement qui va faire qu'elle décide de construire cette armure. Dans tous les cas, ce qu'elle fait pour construire son armure, c'est qu'elle va analyser les modèles d'Iron Man, elle va scruter chaque schéma, chaque circuit, mais elle ne veut pas absolument pas être une copie d'Iron Man. Et après plusieurs semaines de travail acharné et caché, j'ai envie de dire, elle finalise une première version rudimentaire de son armure, qui est certes pas parfaite, mais elle fonctionne. Ça me fait un peu penser à la scène de Iron Man 1, où justement Tony Stark construit sa première armure dans une grotte, avec le matériel dont il a à sa disposition. Bon, il avait un matériel plus rudimentaire, hein, c'était pas le matériel du MIT quand même. Journal de bord de Riri Williams. À 10 ans, pendant que les autres jouaient dehors, moi, je bricolais dans le garage. Des circuits, des moteurs, des idées qui prenaient forme sous mes doigts. C'est là que Nathalie est arrivée. Elle m'a vue, penchée sur un vieux projet, et au lieu de me regarder bizarrement comme les autres, elle a dit « C'est quoi ce truc ?» Et juste comme ça, on est devenus amis. Elle comprenait que mon cerveau fonctionnait autrement. Elle ne me demandait pas pourquoi je préférais démonter des machines plutôt que jouer à la corde à sauter. Elle était juste là, avec son rire éclatant et ses idées folles. À 11 ans, j'ai reçu la lettre « MIT ». Je savais que j'étais douée, mais MIT, c'était un truc de génie, un truc de Tony Stark. Maman était fière, Gary aussi, mais moi, j'avais peur. Pas de l'école, non, peur de ne pas être à la hauteur. Le premier jour, j'ai marché dans les couloirs en serrant mon sac contre moi. Des étudiants bien plus âgés me regardaient, certains avec admiration, d'autres avec scepticisme. Mais quand j'ai vu les laboratoires, les machines, les possibilités, j'ai su que j'étais à ma place. Cette période de bonheur a pris malheureusement fin. C'était une journée comme les autres. Un pique-nique au parc, du soleil, des rires. Et puis, tout a changé. Je n'ai pas vu d'où venaient les balles. Juste le chaos, les cris, le sang. Quand j'ai tourné la tête, Nathalie était là, immobile. Gary aussi. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Je voulais courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Ils étaient partis, et moi j'étais seule. Après ça, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais pas juste accepter, pas juste pleurer et attendre que le monde continue comme si rien ne s'était passé. Alors, j'ai commencé à construire. Dans ma chambre, dans les laboratoires du MIT, dans chaque espace où je pouvais assembler des pièces, tester des idées, je voulais créer quelque chose qui protège. Et puis un jour, j'ai terminé. Quand j'ai enfilé l'armure, j'ai senti son poids, sa puissance. C'était comme si tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais perdu, trouvait enfin un sens. Je n'étais plus Riri Williams, la gamine du MIT. J'étais Ironheart. Tout a commencé par une panne, une coupure de courant qui a plongé le centre de détention dans l'obscurité. Puis, le bruit. Des alarmes, des cris, des portes qui s'ouvraient là où elles n'auraient jamais dû. J'ai activé mon armure. Je n'avais jamais affronté de vrais ennemis avant. Les détenus étaient rapides, organisés, combatifs. Et moi j'étais seule et inexpérimentée. Avec mes répulseurs, j'ai bloqué les sorties et neutralisé les plus menaçants, esquivant chaque attaque. Mon armure était adaptée à cette situation. Je me sentais en sécurité à l'intérieur, poussant mes limites intellectuelles et physiques. J'ai esquivé, anticipé et réagi plus vite que je ne l'aurais cru possible. Quand tout s'est terminé, quand les portes se sont refermées et que les détenus étaient de nouveau sous contrôle, j'ai enfin respiré. J'avais réussi. Mais ce n'était pas comme dans les films. Pas de célébration, pas d'applaudissements. Juste moi, debout, au milieu du chaos. Vous l'avez compris, la première intervention de Riri Williams, eh bien, c'était lorsqu'elle a souhaité empêcher des détenus de s'échapper d'un centre de détention. Surtout, ne pensez pas que Ironheart est une pâle copie « Wish » entre guillemets d'Iron Man, ou même qu'elle est là pour le remplacer. Elle n'est pas non plus censée être son successeur. Vous avez vu, les origines de Ironheart, Riri Williams, sont bien différentes de celles de Tony Stark. Ses motivations sont peut-être sans doute les mêmes, mais elle n'a pas du tout le caractère de Tony Stark. Et je vais vous diffuser un nouvel extrait de son journal de bord pour que vous puissiez comprendre la relation entre Tony Stark et Riri Williams. On m'a souvent comparé à Tony Stark, mais je ne suis pas lui. Je n'ai jamais voulu être Tony Stark. Je l'admirais bien sûr. Il était brillant, audacieux, toujours un pas devant tout le monde. Et pourtant, un jour, il m'a remarqué. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à me contacter. Peut-être qu'il avait vu mes travaux, peut-être qu'il avait entendu parler de moi. Mais quand il m'a parlé, quand il m'a dit que j'avais du potentiel, que je pouvais faire plus, j'ai compris que ce n'était pas juste un compliment. C'était un adoubement. Tony Stark nous manque, à tous. Depuis la fin de Avengers Endgame, il y a toujours un trou dans mon cœur, et sans doute aussi dans votre cœur à vous. Iron Man était peut-être brillant, audacieux, avec un ego surdimensionné, mais c'est pour ça qu'on l'aimait. Parce que c'était Iron Man. Ceci étant dit, l'univers Marvel ne cesse d'évoluer, introduisant de nouveaux héros qui façonnent l'avenir de la franchise. Et parmi ces nouveaux visages, que l'on veuille ou non, eh bien, Riri Williams, alias Ironheart, a fait une entrée spectaculaire. C'est en 2022, dans Black Panther Wakanda Forever, que le public découvre Ironheart pour la première fois. Riri Williams est interprété par Dominic Thorne. C'est là, au Wakanda, pour la première fois, qu'elle va façonner une armure. Donc on peut voir que une armure d'ailleurs qu'elle ne peut pas garder avec elle, puisque le Wakanda veut conserver son armure. Donc on peut deviner au niveau de la timeline où sort la série qu'elle va devoir refaire une armure. Mais là, elle n'a pas du tout la technologie du Wakanda, elle va devoir faire avec la technologie du MIT. Technologie sans doute moins avancée que le Wakanda, même c'est sûr je pense. Après son apparition dans Black Panther Wakanda Forever, Ironheart ne disparaît pas, au contraire, maintenant nous le savons, et d'ailleurs ça va être diffusé d'ici bientôt, elle a sa propre série. La diffusion de cette série est un peu bizarre, là où on a l'impression plutôt que Disney décide de se débarrasser de sa série, qu'il n'y croit pas forcément, et on va dire que la promotion du film, j'en vois pas. Donc, j'ai pas l'impression qu'il croit en cette série. C'est dommage parce qu'avec un personnage aussi intéressant qu'Ironheart, ça pourrait être très intéressant, notamment depuis malheureusement feu Iron Man, un petit génie de la technologie et de l'électronique serait bienvenu. Soit dit en passant, Tony Stark est peut-être aussi présent, je sais pas trop, pour la simple et bonne raison, c'est que dans les comics, elle a une IA qui l'assiste dans son armure, et l'IA, c'est Tony Stark. Voilà, donc là où Tony Stark, c'est soit Friday, soit Jarvis, elle, c'est Tony Stark, son IA. Donc, à un moment, apparaît un sort d'hologramme dans la bande-annonce, mais on voit pas le visage de l'hologramme. Alors, est-ce que c'est Robert Downey Jr. qui est revenu pour faire l'IA, ou du moins la voix de l'IA dans Ironheart? Je l'espère, ça pourrait donner un petit clin d'œil et un attrait à la série. On verra bien. En tout cas, cette série est pleine de mystères. Et au lieu de sortir un épisode par semaine, ils vont sortir les trois premiers épisodes le 26 juin et les trois derniers la semaine suivante. C'est pour ça que j'ai pas cette impression qu'ils croient réellement en leur série, en nous faisant patienter que deux semaines, là où, pour certaines séries, comme Daredevil par exemple, on avait une série par semaine. Laissez-moi vous parler maintenant du vilain de la série Ironheart. Alors, il n'apparaît pas tellement comme un vilain dans la série, mais comme une personne qui veut aider, accompagner Riri Williams, je pense, dans la création de son armure. Il a l'air passionné par son intellect, son intelligence, et il propose d'ailleurs, si vous regardez, il propose beaucoup d'argent liquide, voilà, pour obtenir ses services, comme si Riri Williams avait constamment besoin d'argent, sans doute pour déjà avoir le matériel et se payer le matériel pour construire son armure. Mais on sent que c'est un personnage qui attend beaucoup de choses de Riri Williams, et notamment sa loyauté. Il a d'ailleurs un côté un peu malsain. Bref, ce super méchant, c'est The Hood, la cape. Alors, un peu surpris, pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est parce que c'est un méchant de Doctor Strange de base, c'est pas du tout un méchant de Ironheart, du moins qui vient de l'univers d'Ironheart. Son ennemi principal à The Hood, c'est Dr. Stephen Strange. Mais dans l'univers Marvel, les super-vilains sont souvent des génies du mal, des êtres surpuissants ou des manipulateurs hors pair, et des fois les trois en même temps. Mais The Hood est différent, il est un criminel qui a touché à quelque chose qu'il ne comprend pas totalement et qui pourrait le consumer. Le vrai nom de The Hood est Parker Robbins. À l'origine, ce n'est qu'un petit voleur de pacotilles, de Brooklyn, et c'est même un homme qui tente de survivre dans un monde impitoyable. Mais lors d'un cambriolage, il tombe sur une créature démoniaque appelée le Nisandi. Dans un acte de panique, il tue cette créature, récupère son manteau, sa cape, on va dire, enchantée, et ses bottes mystiques. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ces artefacts sont liés à Dormammu, l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Dans la série Ironheart, The Hood sera interprété par l'acteur Anthony Ramos. Son rôle est plus qu'important, puisque les rumeurs courent qu'on le verra régulièrement dans le MCU comme un vilain récurrent. Dans les comics, The Hood tente de prendre le contrôle du crime organisé et s'oppose constamment aux Avengers. C'est pour cela qu'il pourrait jouer un rôle similaire dans le MCU, en devenant par exemple une menace bien plus grande que prévu. Il est souvent d'ailleurs en coalition avec Wilson Fisk. Il est possible que l'on voit dans l'avenir du MCU The Hood à de multiples reprises, notamment dans des séries comme Daredevil, ou peut-être dans la saison 2 de Hawkeye, si jamais elle sort, ou même ça peut être carrément un super vilain pour les Young Avengers. The Hood tient ses pouvoirs de la cape et des bottes mystiques dérobées à un démon, le démon Nisandi, et qui sont maintenant liés à lui. Il peut les retirer pour les dissimuler, mais ne peut pas les abandonner. Les bottes fonctionnent comme une sorte d'appareil de lévitation mobile qui lui permettent de marcher sur l'air, et en portant la cape et en retenant son souffle, il peut devenir invisible. Il possède d'autres pouvoirs. Bon, je ne vais pas vous faire la liste, mais par exemple, lorsqu'il est soumis au stress, il peut se transformer en un démon avec des griffes, et il peut même acquérir une force surhumaine, et il a d'ailleurs affronté Wolverine au corps à corps une fois. Si vous voulez en savoir plus sur The Hood, vous pouvez déjà le voir, il apparaît dans un épisode de What If la dernière saison, je ne sais plus c'est lequel, je n'ai plus en tête, mais en tout cas, il y apparaît. Alors quel sera son rôle dans la série ? On devine aisément qu'il veut recruter Riri Williams pour qu'elle devienne une de ses fidèles. Où en est son réseau de crimes organisés par rapport à Wilson Fisk, par exemple? Comment a-t-il obtenu la cape et les bottes? Est-ce que c'est comme dans les comics? Bref, il y a quand même plein de questions dont j'attends avec impatience les réponses dans la série. D'ailleurs, lorsque l'on regarde la bande-annonce, on peut voir que c'est un The Hood qui se rapproche énormément des comics. C'est tout bête, mais dans ses mains, il tient deux pistolets, et dans les comics, il ne se déplace jamais sans sa cape, ses bottes et ses deux pistolets. Journal de bord. Parker Robbins. Mes origines. Mon père, il était un homme de l'ombre, un pion dans l'empire de Wilson Fisk. Il n'était ni bon ni mauvais, juste un survivant. Mais quand il est tombé, tout s'est écroulé. Ma mère, elle, n'a pas tenu le choc. Son esprit s'est brisé et moi, j'ai dû faire semblant, jouer le rôle d'un fils ordinaire, alors que dans l'obscurité, je m'enfonçais dans un monde où les règles sont dictées par la peur et le pouvoir. Mais cette nuit-là, j'ai croisé quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans notre monde. Le Nisanti. Une créature venue d'un autre plan. Un démon dont le nom résonne dans les cercles occultes. Il est un être. Son essence serait liée à des artefacts anciens. Des reliques imprégnées de magie noire. Certains parlent des sables de Nisanti. Mais moi, je ne l'ai pas découvert dans un vieux grimoire. Je l'ai vu. Sa silhouette était une aberration, une masse mouvante de ténèbres. Il n'a pas parlé, il a grondé. Un son qui résonne encore dans mes os. Je l'ai vu, j'ai tiré. La créature s'est effondrée. Et j'ai pris quelque chose qui n'était pas censé être entre les mains d'un homme ordinaire. La cape et les bottes d'une Nisanti. Ses vêtements, ils me rendaient invisible. Me permettait de marcher sur l'air. Il faisait de moi bien plus qu'un simple voleur. Et avec ses capacités, il fallait bien que je teste mes limites. Un bijou ici, un braquage par là, jusqu'à ce qu'on me remarque. Les super vilains, tous avaient les yeux rivés sur moi. J'étais en fuite, traqué et piégé. Mais je refusais de lâcher prise. Je pensais pouvoir me débarrasser de cette cape, de ces bottes. Mais elles étaient liées à moi. Comme une malédiction. Elle me donne la puissance, mais elle me consume. Et sous le stress, je change. Mes mains deviennent des griffes, mon corps une arme vivante. J'ai affronté Wolverine sous cette forme, et j'ai tenu bon. Mais chaque transformation me pousse un peu plus vers une existence qui n'a plus rien d'humain. Je savais que la petite criminalité ne mènerait qu'à une cellule ou une tombe. Alors j'ai pris une décision. Je devais vivre dans ce monde. Je le dominerais. J'ai réuni ceux qui étaient comme moi, des parias, des super-vilains oubliés par la société. Je leur ai offert une place, une raison de suivre mon règne. Et peu à peu, les rues de New York ont appris un nouveau nom. The Hood, l'homme à la cape, aux bottes et aux pistolets. Et pourtant, malgré tout, je n'avais pas anticipé ce qui allait suivre. Une défaite écrasante. Contre le Docteur Strange lui-même. Après avoir écouté cet extrait, on peut constater qu'Ironheart ne devra pas seulement affronter un homme, mais une force qui dépasse l'entendement. Riri est une scientifique, une ingénieure qui croit en la logique et la technologie. The Hood, lui, est un utilisateur de magie, un homme qui puise sa force dans des forces surhumaines. Leur affrontement sera un duel entre science et mysticisme, une opposition qui pourrait bouleverser l'équilibre du MCU. L'introduction de The Hood dans le MCU marque le début d'une ère où la magie et le crime organisé s'entrelacent, offrant des possibilités narratives captivantes. Tandis qu'Ironheart se prépare à affronter une menace qui dépasse l'entendement, son affrontement avec The Hood pourrait poser les bases d'un conflit majeur mêlant technologie et force occulte. Ensemble, ces deux personnages pourraient redéfinir les limites des luttes entre héros et antagonistes dans le MCU, promettant des intrigues complexes et des développements inattendus pour les fans. The Hood pourrait être manipulé par Dormammu, ce qui renforcerait la connexion avec Doctor Strange. N'oubliez pas d'ailleurs la scène post-générique du dernier film Doctor Strange. Le pouvoir de The Hood pourrait aussi attirer l'attention de Wong et des sorciers du Camartage, peut-être aussi Shang-Chi, avec ses 10 anneaux, il pourrait aussi créer un réseau criminel magique qui constituerait une nouvelle menace pour les héros du MCU. N'oubliez pas que le film Midnight Sun est dans les starting blocks, avec notamment le héros Blade et Black Knight. Bref, pour dire que dans le MCU, il y a tellement de possibilités. On a aujourd'hui du multivers, hier on avait les pierres de l'infinité, on a aussi du cosmique, comme on pourrait avoir aussi du mystique. Voilà, peut-être que le mystique est l'avenir du MCU après le multivers. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais ça ne m'étonnerait pas, puisque les créatures mystiques font aussi partie de l'univers Marvel. Tout ça pour vous dire, les amis, merci. Merci, merci, mille fois merci. Honnêtement, quand j'ai sorti ce podcast il y a 2 ans, j'avais commencé avec 20 auditeurs. Et aujourd'hui, suivant les podcasts, je peux arriver aisément à 7000 ou 8000 écoutes. C'est beaucoup pour moi, même un peu trop. En tout cas, merci encore. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'essaye d'innover, comme aujourd'hui, quand vous avez écouté ce podcast, par rapport à, si vous êtes un fidèle, vous avez pu voir que j'ai pu innover. Je remercie ma fille, Salomé, mon épouse, Julie, et mon ami Olivier, Olive in Wonderland, qui ont bien voulu me prêter leur voix, si on peut dire cela, pour participer à ce podcast audio, live, livre audio. Voilà, j'essaie de faire quelque chose comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais le refaire, voilà. Là, on va tranquillement clôturer la saison. Cet été sortira quelques épisodes, notamment avec des invités. Je vais reprendre un peu les podcasts avec les copains. Ça va faire du bien. Je ne sais pas sur quel prochain héros je pourrais le faire. Le prochain podcast, je pensais à Vision, par exemple. Voilà, puisque la série va arriver. Je pensais aussi faire l'histoire de Marvel Zombie, puisque la série Marvel Zombie va sortir en octobre, en période de Halloween. Donc ça peut être sympa, surtout que les zombies, généralement, on aime bien. Voilà, il faudrait que je me retourne dans le livre, en tout cas, parce que je les ai à la maison, donc il faudrait que je relise ça. Alors peut-être que je le ferai en version audio, comme j'ai pu le faire pour certains comics. Voilà. Merci à tous, merci encore, merci pour votre écoute. Bye bye.